À l'occasion du 69e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, divers pays comme Bangladesh, Sri Lanka, Inde et Pakistan ont abrité les séminaires sur les exploits des grands hommes coréens, expositions de livres et de photos et séances de films. Y ont pris part les personnalités de divers milieux et autres habitants des pays hôtes. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos sur les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos et livres présentant les fiers succès du peuple coréen remportés sous la sage conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un. En séance de films ont été projetés les documentaires coréens comme « La réponse de la Corée » et « Les confettis de feux d'artifice de la puissance prospère ».